Fragment sonore numéro 6. Il y a une vis à fermer, il a dit. Ouais. Je les veux pas. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour, toi. C'est vu, on sait pas, mais ça fait rien. Ok, c'est ce pronostiqueur de pancard là. Bonjour. Je vais pas avec lui. Les bourrins ils sont en train de courir encore. Les dégâts ils sont sous, sous le pont souvent. A cause de lui ils sont sous le pont les gens. Tu aurais joué ce qui s'était marqué là. Oui, je l'ai dit hein. C'est quoi qui est sorti? 21 il est sorti. 8, 9, 4. Ouais il a payé hein. C'est pas encore aujourd'hui. Encore le 8. Non mais il a pas osé. Encore le 8. Je sais même pas ce que c'est un... Encore le 8. Qu'est-ce qu'il a? Et c'est quoi qui est sorti aujourd'hui? Lui il parle de hier. Je connais rien, je joue, gagne. T'avais juste à repérer le numéro et c'était marqué en gros plein. Mais ça m'intéresse pas les favoris pour gagner 80 000 balles, ça vaut pas le coup. Et hier il m'a dit ça, c'est bon ma vie. C'est quoi qui est sorti aujourd'hui? 4-14, 7-15. 4-14, 7-15. Tu vois toi? Non, pas.